fabrique du rêve, on crée l'illusion. L'écrin de nos espoirs, la boîte de nos Pandores. On choisit nos propres pièges, on les cajole pour qu'ils ne s'enfuient pas, pour qu'ils soient toujours là. Un peu plus, on remplace nos idoles. Même quand on aura remisé l'habit rouge, rasé la barbe blanche, éparpillé l'attelage, éteint la cheminée, c'est une autre transparence, une invisibilité qui nous masque le vrai, une morale facile qui se moque du bon, un sanctuaire pour construire nos ignorances. Nous sommes encore des enfants, des fils en manque de secrets, des filles qui veulent s'émerveiller. Toujours les mêmes gestes, déposer nos baptêmes dans le calice, accrocher la mort sur nos croix, faire un vœu. Chaque soir, vivre d'innombrables réveillons, fébrile de découvrir le présent, bien serein du futur, satisfait du passé, être sage ensemble pour éviter la vie, être seul dans son cœur pour éviter la mort. Mais tu sais que ce n'est